émir à Alep, un émir chiite imamite. On a prêté du coup à Al-Farabi peut-être une déférence à l'égard de cette forme de l'islam, mais peut-être qu'on devrait aussi surtout retenir qu'il cherchait tout simplement un refuge. Il avait une immense ironie, j'aimerais bien donner une petite fable qu'il avait imaginée. Il disait: soit un ascète qui est poursuivi par le sultan, qui a fait fermer toutes les portes pour qu'on puisse le lui faire venir, vu qu'il est critique à l'égard de l'autorité califale. Eh bien, cet ascète, il va enlever ses habits d'ascète, il va mettre des habits de noceur, il va prendre une mandoline, il va mimer celui qui est ivrogne, et il va essayer de quitter la ville ainsi. Le gardien lui dit: « Qui es-tu ?» Il dit: « Je suis celui que tout le monde cherche. » Il dit: « Oui, oui, oui, c'est cela. » Et donc, il le laisse partir. Et Al-Farabi dit: « Voilà, il est parti. Il a quitté la cité tout en ne mentant pas, parce qu'il a décliné son identité. On ne l'a pas cru. C'est le propre d'un philosophe. Souvent, il n'est pas cru. Mais il a eu la vie sauve. » Est-ce qu'il a étudié, Al-Farabi, est-ce que depuis, il a toujours été présent dans le monde arabo-musulman? Tout à fait. Il est cité par toute la philosophie andalouse, que ce soit Ibn Tufayl, Averroès, Maïmonide. C'est lui qui lui consacre le titre de second maître. Il a été perçu comme un immense logicien, ce qu'il est de fait. Et aujourd'hui, on peut remercier quand même tous les chercheurs qui continuent à le faire connaître en traduisant, retraduisant son épître sur l'intellect, qui est une magnifique épître, une très jolie lettre sur une façon de faire un éloge de l'intellect. Ce livre de la religion dont j'ai parlé, il y a quand même dans les études arabes même aujourd'hui un constant intérêt pour cette grande figure rationnelle du Xe siècle. Les philosophes arabes contre le dogmatisme religieux, c'est notre série de cette semaine. Ali Ben Makhlouf, on se retrouve demain, et demain on parlera de qui ? D'Avicenne. Qu'on connaît bien. Merci beaucoup, à demain. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, édité chez Albin Michel, « Pourquoi lire les philosophes arabes ?» Un autre jour est possible. Par Toufik Hakem. Tous les matins sur France Culture. Et maintenant, l'invité culturel. Et mon invité ce matin, Jérôme Garcin, bonjour. Bonjour Toufik. Mon invité vient de publier dans la collection Blanche de Gallimard un récit sur le résistant et écrivain Jacques Lucéran. Et si ce nom ne vous dit rien, ce n'est pas étonnant, parce que Lucéran fait partie des grands oubliés de l'histoire, le genre de personne que vous affectionnez, Jérôme Garcin. En tout cas, ceux que j'aime retrouver et je dirais réhabiliter. Alors on va expliquer le titre pour commencer, Le Voyant, qui pourrait paraître paradoxal quand il s'agit de relater la vie d'un résistant et écrivain qui a perdu la vue à l'âge de 8 ans dans un banal accident. Ça peut paraître effectivement paradoxal, mais ça ne l'est pas du tout, car privé d'un sens, Jacques Lucéran va développer tous les autres, l'intelligence, le formidable sens de l'écoute, la force de la parole et des arguments, en un mot, la lucidité. Au lycée Montaigne, puis à Louis-le-Grand, il fait des études brillantes, il est charismatique, véritable leader. Et c'est bien sûr un militant de la première heure qui va participer avec d'autres lycéens à la création du mouvement volontaire de la liberté, puis défense de la France. Alors, le portrait que vous dressez de Jacques Lucéran, donc un écrivain résistant que la France a négligé et que l'histoire a oublié, c'est plus un récit qu'un roman, là. Ah, ça n'est pas du tout un roman, et je tiens d'ailleurs à le préciser sur la page de Garde, puisqu'il n'y a pas inscrit le sous-titre roman, que j'ai en revanche appliqué à d'autres de mes livres quand j'ai romancé la vie de héros de Seychelles, d'Étienne Bedan, de Jean de la Ville de Mirmont. Ça, ce sont vraiment, c'est l'entrée de la fiction dans le réel. Là, non seulement je ne pouvais pas en faire un roman, ne serait-ce que par devoir de vérité, presque exigence morale, mais en plus... Sa vie est un roman. Voilà, c'est ce que j'allais vous dire, c'est que j'aurais voulu l'imaginer, ou d'ailleurs n'importe quel romancier, voire cinéaste, aurait voulu imaginer la vie de Lucéran, ça n'aurait pas été crédible. Tellement elle défie le bon sens, la raison et pour le coup l'imagination. Donc toutes ces raisons mêlées m'ont fait choisir très clairement et prendre le parti pris du récit. Alors qu'on peut appeler un récit biographique, puisqu'il y a tous les éléments de la vie brève de Lucéran. Je préfère, disons, dire dans ce cas-là que c'est un exercice d'admiration, parce que je me suis plus soucié des raisons qu'on a aujourd'hui en 2015 de connaître, de lire, de découvrir Lucéran, que je n'aurais eu le souci de raconter jour après jour la vie de cet homme exceptionnel. Quand vous dites exceptionnel, vous parlez du résistant ou vous parlez de l'écrivain ? Ah non, moi ça va bien au-delà. Je pense que c'est un homme, d'où le titre, le voyant, qui avait, vous l'avez rappelé, il avait surdéveloppé ses autres sens, ça c'est vrai. On pourrait ajouter à votre liste d'ailleurs le toucher, il avait aussi développé le sens olfactif de manière absolument incroyable, mais il avait surtout un sixième sens, il avait un troisième œil, il avait un sixième sens, ce qu'il a deviné de ce qui allait se passer, de la manière dont il allait aussi peut-être pouvoir en réchapper, en fond de lui un... J'aime pas le mot devin, mais il y a quelque chose quand même dans sa vie qui s'en rapproche. Et puisqu'aujourd'hui on marque les 70 ans de la libération des camps, alors avec Lucéran, avec votre livre Le Voyant, Jérôme Garcin, on pénètre dans un bloc particulier, le bloc des Invalides, parce que il faut le dire, Lucéran n'était pas un déporté comme les autres. D'une part, parce qu'il était invalide, et donc on découvre ce bloc des Invalides, toute une histoire, toute une horreur. Et puis ensuite, le fait qu'il parle allemand, qu'il parle la langue de l'ennemi, qu'il ait eu avant la guerre justement une attirance pour cette culture, va le rendre d'autant plus particulier dans ce système horrible d'enfermement. Alors d'abord, il faut rappeler une donnée essentielle, c'est un gamin qu'on envoie à Buchenwald. Il a 17 ans quand il crée vraiment ce mouvement de résistance de lycéens qui s'appelle les Volontaires de la Liberté. Il a 18 ans et des poussières quand le mouvement ayant intégré le grand réseau de Philippe Vianney, Défense de la France, quand il est arrêté par la Gestapo, chez lui, cueilli par la Gestapo, la bande de Lafont et Bonny, qui viennent le prendre, qui l'enferme à Fresnes. Et il a pas 20 ans quand il part en janvier 44. Quand il part pour Buchenwald, où on le met, vous avez tout à fait raison, dans ce qu'on appelait le bloc des Invalides à Buchenwald, qui est quelque chose d'inracontable, d'irrésumable. Lui-même s'y est essayé. Il disait que quand on l'a jeté dans ce bloc, où il y avait les Kudjat, où il y avait les aveugles, où il y avait les manchots, où il y avait les fous aussi, que l'odeur était tellement pestilentielle qu'elle avait au moins un mérite, c'est qu'elle camouflait l'odeur du crématoire voisin. C'est pour dire l'horreur qu'était ce bloc, où il a survécu, là aussi vous avez raison, il a survécu parce qu'il était... il avait été un étudiant germanophile, donc il connaissait la langue, il a pu jouer le rôle très vite du traducteur, c'est-à-dire que les ordres donnés par les nazis dans les haut-parleurs, il s'en faisait le traducteur simultané. Même si au tout début, il a immédiatement failli mourir, puisqu'on, comme il était aveugle, on lui volait son pain sec, on l'empêchait même. Il avait toujours été guidé par une main amie, une épaule amie au lycée, et là tout d'un coup, il n'y avait personne. Et s'il n'y avait pas eu cette connaissance de l'allemand, s'il n'y avait pas eu aussi la protection des déportés russes qui l'ont très vite pris sous leur coupe et sous leur aile, sans doute qu'il n'aurait pas survécu à 15 mois de déportation jusqu'en avril 45, jusqu'à la libération du camp, à la déportation à Buchenwald. Et c'est dans cette épreuve de survie, comme vous le rappelez si bien Jérôme Garcin, que l'écrivain Jacques Lucéran va apprendre à aimer la vie. C'est une phrase tirée d'une lettre qu'il va envoyer à ses parents. Qu'en avril 45, juste après que Philippe Vianney est venu le libérer dans sa Jeep. Il a traversé la France et l'Allemagne pour venir chercher à Buchenwald son petit aveugle français, comme il l'appelait. Avant de quitter le camp, dans l'état physique que vous imaginez, ou qu'on ne peut même pas imaginer, il adresse une lettre à ses parents et dit, dans cette lettre qui est très belle d'ailleurs, il y a une phrase autour de laquelle j'ai tourné pendant des heures et des heures, c'est « Ici, donc à Buchenwald, j'ai appris à aimer la vie ». Qui reste évidemment un mystère absolu pour moi, même si on la comprend au sens le plus simple qui soit. Pendant 15-16 mois, il a appris à résister à la mort et surtout à tenter de survivre. Mais ça va plus loin que ça. Je pense que ce garçon a eu le sentiment, là-bas, qu'il découvrait, peut-être, mieux qu'ailleurs, ce qui restait de la fraternité, ce qui restait de la solidarité, ce qui restait de l'amour entre ceux qui étaient parqués par les nazis, mais qui aussi, pour tenir, pour continuer à vivre, avaient besoin d'épaules et de mains amies. Et après la libération, on se dit qu'un autre jour est possible, mais pas du tout, parce qu'il va beaucoup souffrir du fait de son handicap et du fait que les lois de Vichy étaient toujours applicables, c'est-à-dire qu'ils interdisaient toujours à un handicapé de pouvoir enseigner. Juste avant d'entrer dans le réseau Défense de la France, Lucéran, donc 17 ans, se présente au concours de normale supérieure. Il sortait d'Hippocagne et de Cagnes à Louis-le-Grand, dans des classes normales, donc de bien-voyants. Il se présente à normale sup, et en 42, un décret de Vichy, signé à Belbonnard, qui était le ministre de l'Éducation, interdisait aux aveugles et aux manchots de se présenter à tout poste, à tout concours en tout cas, des postes de la fonction publique. Et donc on l'a retiré manu militari de la salle où ce jeune aveugle présentait le concours. Il rentre de Buchenwald, on est au printemps 45. Il rentre à Paris, ancien résistant, ancien déporté, rien, pas de médaille, pas de pension, pas de reconnaissance, rien. Mais il y a pire que tout ça. C'est que le rêve de ce garçon, c'était d'être professeur, d'enseigner la littérature, la poésie. Eh bien, ce que vous venez de dire est tristement vrai. Non seulement ce décret de Vichy de 42 était toujours valable en 45, mais il va l'être jusqu'en 55, 10 ans après la libération. Dans notre pays, on va continuer à empêcher les handicapés. Ce qui a fait dire d'ailleurs à Lucéran en 45, jusqu'à maintenant, je n'étais pas du tout un handicapé. La preuve, j'ai résisté, j'ai été déporté, j'ai survécu à la déportation. Et voici qu'à Paris, en 45, on fait de moi un handicapé. Et donc, il n'a pas pu enseigner, d'où son départ dans les années 50 pour les États-Unis. Le récit de la vie d'un écrivain méconnu, d'un héros oublié, Jacques Lucéran, par Jérôme Carcin, mon invité ce matin, est disponible aux éditions Gallimard sous le titre Le Voyant. Merci beaucoup d'être passé ce matin, Jérôme Carcin. Merci, Toufik.